Mosaïque. Bonjour chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez de par le monde, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Jeudi dernier, le facilitateur Benjamin Mukapa a ouvert le cinquième round du dialogue inter-burundais à Arusha en Tanzanie. Cependant, le gouvernement, le parti CNDD-FDD et d'autres organisations ont boycotté ces pourparlers. Le facilitateur affirme qu'il ne pouvait pas céder à toutes les exigences du gouvernement du Burundi comme condition pour participer à ces pourparlers. Dans la foulée, le gouvernement a fait savoir ne pas reconnaître les résultats de ce cinquième round. De son côté, la médiation affirme avoir tout fait pour inviter toutes les parties, même si la société civile invitée à titre consultatif a toujours réclamé y participer comme partie prenante. Bref, autant de divergences sur le déroulement de ce cinquième round de dialogue qui se veut être le dernier rendez-vous selon la médiation. Plusieurs questions se posent aujourd'hui. Comment appréciez-vous l'absence du gouvernement à ce dialogue? Quel pourrait être l'impact de cette absence sur la suite du processus? Y a-t-il moyen de rapatrier ce dialogue pour se poursuivre au Burundi? Que peut faire la médiation pour satisfaire toutes les parties à ce dialogue? Voici les quelques questions et bien d'autres qui feront l'objet de notre débat mosaïque. Et pour en parler, nous sommes avec trois invités. On avait souhaité avoir quatre, mais seulement trois ont répondu à notre invitation. Nous accueillons honorable Phénias Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de nous avoir invités. Nous accueillons également Kefa Nibizi, président du parti Sawanya Frodebou Nyakuri, Iyagi Ganda Daye. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et bonjour, merci de nous avoir invités. Je salue mes collègues qui sont ici. Je salue aussi notre public qui est à l'écoute. Dans Mosaïque, nous sommes également avec Faustin Dikoumana, représentant légal de Parsem. Parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. On attendait dans cette émission Mosaïque Maître Jean-Marie Nduimana qui représente PISC Burundi, une plateforme des organisations de la société civile qui n'a pas répondu à notre invitation. À la réalisation de Mosaïque, Jérôme Niyonzima, François Akimana assure la mise en onde. Pacifique Chubahiro à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Honorable Phénias Nigaba, votre parti, votre formation politique, Sawanya Frodebou, a répondu à l'invitation de la facilitation aujourd'hui. Comment appréciez-vous l'absence du gouvernement alors que d'autres partis sont déjà à Arusha? Le parti Sawanya Frodebou effectivement a répondu à l'invitation parce que le parti Sawanya Frodebou met en avant le dialogue dans tout ce qu'il fait. Puisqu'il avait été invité par le facilitateur, il a répondu favorablement à l'invitation. Et avoir le gouvernement qui n'a pas, le parti CNDD-FDD qui n'ont pas répondu à l'invitation, pour nous, au niveau du parti Sawanya Frodebou, c'est un grand regret. C'est un grand regret parce que, vu la situation dans laquelle se trouve le pays, nous avons un chômage sans précédent, nous avons une pauvreté sans nom, nous vivons dans un environnement socio-politique qui n'est pas du tout bon. Alors, c'était l'occasion de s'entendre, de dialoguer sur ces grandes questions pour trouver des solutions afin de faire un pas en avant et de faire d'autres activités qui pourraient aider le Burundi à se développer. Mais l'absence pour le Frodebou, c'est un grand regret. Mais nous pensons qu'un jour, ils répondront parce que ce n'est pas la fin. C'est comme ça au niveau des... Ce n'est pas le dernier round. Mm-hmm. Effectivement, que le facilitateur a dit que c'est le dernier round. Lui, il a fait ce qu'il devrait faire. Il est même fatigué parce que le gouvernement n'a pas voulu s'impliquer pour lui faciliter le travail. Lui aussi, il a un grand regret. Il a même dit que le gouvernement, il avait tout fait pour que le gouvernement, le Parti Saint-Denis, participe au dialogue, mais malheureusement, il n'a pas eu de réponse positive. Mais je pense que au niveau de l'EAC, peut-être ça peut être le dernier round, mais ça peut être sur un autre niveau, au niveau de l'Union africaine, parce que nous voyons que au niveau de l'EAC, c'est un échec total. C'est un échec total. Je pense que l'Union africaine va prendre la relève, hein, si tout va bien, parce qu'on ne peut pas laisser cette crise perdurer. Sinon, le Burundi sera oublié sur la planète. Et le monde ne peut pas accepter que le Burundi continue à vivre dans cette situation. Je pense que les autres instances supérieures vont prendre les choses en main. Pour les organisations qui n'ont pas aussi participé, tout comme le parti CNDD-FDD, est-ce que les arguments avancés à votre niveau, pensez-vous qu'ils sont fondés ou pas? Pour nous, les arguments qu'ils ont avancés ne sont pas fondés. C'était le parti CNDD-FDD et le gouvernement, même les autres participants, qui avaient demandé le report pour qu'on puisse célébrer le 25e anniversaire de l'assassinat de son Excellence président Dada Melchior. Et la médiation a accepté. Vraiment, nous aussi, nous avons salué ça. Alors, ils ont demandé encore de reporter, soi-disant qu'ils sont en deuil. Est-ce que vraiment c'est en deuil? C'est pour vraiment, c'est pour cette année seulement. Ils viennent de passer plus de 12 ans au pouvoir. On n'avait jamais entendu parler de ce mot. Maintenant qu'ils sont invités, ils avancent le deuil. Ils ont avancé également comme raison qu'ils ne connaissent pas l'agenda. Non, ce n'est pas dans leur attribution. Ils ont même demandé la liste des participants. Ce n'est pas de leur attribution. C'est le facilitateur qui est responsable dans cette technique de négociation. Le facilitateur ou bien le médiateur, et il a le pouvoir, lui, d'identifier les acteurs clés. Il avait fait cela. Honorable Fenias, tous les arguments qu'ils ont avancés, ce sont des arguments qui ne sont pas fondés. Permettez, nous avons ici dans ce débat le représentant du parti Sawanya Frodebo Nyakuri Iragi Diandadaye. Lui, il est parmi les. Il fait partie des partis politiques qui n'ont pas été à Arusha du fait que l'agenda n'était pas clair. Kefani Vizi, pourquoi, à votre avis, ici, il y a Fenias qui dit que ce n'était pas un argument valable pour ne pas se présenter pour parler d'Arusha? Merci pour la question. Tout d'abord, quand nous avions reçu l'invitation de participer du 19 au 24, nous avons nous aussi salué le report qui a été fait, je dirais, de façon irrégulière, parce qu'on avait été invité par une lettre qui a été envoyée dans nos boîtes e-mail. Mais quand on a reporté, nous n'avons pas eu aucun document qui nous dira officiel, qui nous montre comment ce report est effectué. Et nous avons uniquement entendu parler d'un tweet conseiller ou de l'assistant du facilitateur. Je pense que d'abord à ce niveau, il y avait un vice qui n'est pas du tout bon. Et deuxièmement, au niveau de notre formation politique, on avait aimé savoir effectivement quels sont les invités. Pourquoi ça? Quand on répond à un rendez-vous de dialogue, il faut savoir qui sont vos interlocuteurs pour pouvoir les mieux se préparer. Deuxièmement, dans l'ordre du jour, il y avait des points effectivement. Ça veut dire on allait échanger sur l'affaire de route vers l'élection de 2020, mais aussi l'accompagnement du processus électoral par la communauté nationale. Mais on disait ce sont des points parmi tant d'autres. On avait aimé savoir qui sont ces autres époques qui n'ont pas été évoquées dans l'invitation pour qu'on puisse bien se préparer. Alors, parce que nous n'avions pas de clarification sur ces deux sujets, au niveau de notre formation politique, nous avons dit qu'il faut un peu attendre pour que le dialogue débute. Et comme ça, on va savoir qui sont les invités, quelles sont les périodes du jour, on se prépare, on pouvait y aller. Ce n'est que le 23 que nous avons entendu que le gouvernement, lui aussi, ne va pas répondre à cette invitation. Alors, on s'est dit, quand on va parler des élections, qui va organiser ces élections si le gouvernement n'est pas là? Si on parle de l'accompagnement du processus électoral par la communauté nationale, qui va autoriser ça? Qui va faciliter ça si le gouvernement n'est pas présent? Donc, finalement, vous n'êtes pas à Arusha parce que le gouvernement et le CNDFDD ne sont pas à Arusha? Non, je dis uniquement le gouvernement par le CNDFDD. Parce que nous, en tant que formation politique, quand nous voulons préparer les élections, nous devons dialoguer avec le gouvernement, parce que c'est lui qui organise les élections. Alors, quand on va là-bas, alors que le gouvernement n'y est pas, à qui avons-nous adressé nos doléances? Personne. Donc, nous considérons qu'il s'agit d'une perte de temps pure et simple. Alors, on ne va pas perdre du temps là-bas. Nous préférons faire autre chose ici, les travaux, les activités de développement, organiser notre parti continuellement. Le jour où il y aura une autre session, où le gouvernement sera là, nous allons répondre à l'invitation pour donner nos doléances au gouvernement. Parce que quand le gouvernement n'est pas là, pour nous, c'est d'y aller, parce que nous n'avons pas d'interrupteur valable. Donc, pour ceux qui sont là, c'est une perte de temps. Je me pose une question. Toutes les doléances, à qui vont-ils les adresser? Qui va les mettre en application? Et c'est le facilitateur? Non. Et c'est le Yassé? Non. Parce que le Burundi, comme tout autre pays du monde ou de l'Afrique, les élections sont organisées par le gouvernement et non la région et non la facilitation. Faustin Dikoumana, à titre de membre de la société civile, vous avez été consulté, mais vous réclamez que vous preniez place en tant que partie prenante à ce dialogue, ce qui n'a pas été accepté. Pensez-vous que les avis que vous avez émis à l'endroit de la facilitation ne pourront pas avoir un écho du fait que le gouvernement et le parti au pouvoir ne se sont pas présentés à ce dialogue comme l'avance Kefanilis? Le fait de dire que la société civile n'a pas pu participer comme partie prenante, il n'y a pas de problème par rapport à ça, parce que si on est consulté de façon préliminaire, on émet ses idées, on les donne à la médiation, parce que au moment de l'invitation, on nous a dit on vous invite comme des gens qui peuvent contribuer à montrer ce qui doit être fait pour que le Burundi puisse être tiré de cet abîme. Donc, comment contribuer, comment aider à la médiation finalement de bien piloter ce processus sous forme de conseil, parce qu'on est censé agir au nom du citoyen, au nom de la voix citoyenne, de façon objective. C'est ça le rôle de la société civile. En tant qu'expert, pour orienter la médiation, s'exprimer par rapport aux défis, donc accroître la notoriété de certains problèmes qui, par ailleurs, pourraient être occultés par les calculs politiciens de mes amis ici, hommes politiques. Ça, c'est un. Deux, le constat, le gouvernement n'a pas participé à ce cinquième round. C'est regrettable d'abord. C'est regrettable parce que, et c'est un constat amer, parce que et le gouvernement, parti au pouvoir, parti d'opposition, vraiment la classe politique burundaise, il faut vraiment un examen de conscience. Il est en train finalement de montrer sa vraie casquette d'une classe politique en crise de leadership, une classe politique. Imaginez, même Arusha en 2000, en 2000, même Arusha avait duré, je crois, 2 ans. Mais imaginez-vous un dialogue qui est annoncé depuis 2015. On arrive en 2018 à tourner en rond. C'est une honte. Malheureusement, l'examen de conscience, l'introspection n'est pas là pour vraiment vous pouvoir rectifier le tir. Parce que bon, le cinquième round de négociation, on a évoqué des raisons, je crois, qu'il y a le deuil national, je crois. Le deuil national, bon, oui, le gouvernement a raté de décréter un deuil national, mais depuis les assassinats de ces illustres fils du Burundi, à l'époque, on a organisé le deuil à l'époque. Hein, au moment de les assassinats, c'est ce moment 2018 où on doit organiser un deuil d'un mois. Deuil a-t-il existé pour cette année? J'ai entendu qu'on disait que le gouvernement est en deuil, je ne sais pas, mais si c'était le deuil, la raison ne pourrait pas suffire. Encore une fois, si vous vous souvenez des idées qui poussaient nos illustres disparus, le prince du Gwagasore prenait le leadership responsable. Atagira ubukuru nyabwo, nta terambere ryajoboka, nta tekanite kandi. Nadaye parlait de la démocratie, les droits de l'homme. Et le Burundi est en crise par rapport à ces deux aspects. Et le leadership est au niveau crise, démocratie, droits de l'homme. Plutôt, c'était le moment de faire l'examen de conscience. Comment plutôt honorer nos illustres disparus pour recouvrer le Burundi, le stabiliser par rapport à ces deux aspects? C'est ça que moi, que j'imagine. La meilleure façon serait plutôt que le mois d'octobre, plutôt, nous interpelle par rapport aux deux discours que nos illustres disparus ont prononcé qui devait nous servir d'exemple. Et malheureusement, cet écrit de leadership, c'est que ces calculs politiciens font que justement et la mise en avant de l'intérêt supérieur de la nation est toujours reléguée au second plan. Il y a l'aspect de l'agenda par rapport à la médiation. On a parlé de la participation. On ne sait pas ce qui devrait participer. La participation, les invités, c'était à l'instar de ceux qui avaient été invités au moment du quatrième round. Ce sont les mêmes. D'ailleurs, au moment où à la clôture du quatrième round, la médiation, la facilitation avait élaboré un document de synthèse qui montrait les divergences et les convergences. Et le facilitateur avait dit, je vais donner rapport au chef d'État. Les chefs d'État ont dit, alors, ces points de divergence qui ont été analysés, on les a transformés sous forme d'un round futur pour vider les questions liées à la feuille de route devant mener le pays à des élections crédibles, transparentes, inclusives, qui pourront doter le pays d'institutions fortes pour faire face aux immenses défis auxquels notre pays est confronté. C'était ça. Alors, feuille de route, on parlait, le gouvernement disait, quand on sera à Arusha, ça sera feuille de route. Bon, la feuille de route pour les élections 2020, ça ne cause pas de problème parce que ce sont justement ces défis qu'il faut vider, qu'il faut les problèmes, les écueils pour un bon processus électoral. Certains se sont réunis à Kayanza, ils ont eu une feuille de route. Il y a ceux qui sont réunis à Kampala, ils ont eu une feuille de route. S'asseoir ensemble pour finalement avoir une feuille de route consensuelle pour que les gens puissent participer dans ces élections, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose difficile. Ce n'est pas chose difficile. Je crois bien que c'est pour ça que je dis que c'est une honte pour notre cas. Une feuille de route de Kayanza, une feuille de route de Kampala, en faire un document de synthèse pour avoir une feuille de route consensuelle, devra mener aux élections. C'est quelque chose de très facile. Et surtout que le gouvernement lui-même, a toujours clamé au FR qu'il veut une meilleure organisation des élections. Le gouvernement disait, des fois, mais le parti au pouvoir surtout disait qu'il y a des hommes politiques qui craignent les élections. C'est ça le slogan. Il y a des hommes politiques, quand on parle des élections, ils ne veulent pas. Ils fuient les élections. Et au moment où vraiment on veut confronter justement ces documents pour avoir, et pour vider ces questions liées au processus électoral et transparent, devant mener le pays à ces élections. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'une pente, donc un arrêt du processus. Justement, ce dialogue, c'est un processus, mais pensez-vous que cette absence du gouvernement, surtout aussi du parti au pouvoir, peut avoir un impact sur le dialogue? Ça, c'est un dialogue piloté par la médiation, je dois dire à mon ami Kefa, ça ne se transforme pas sous forme de doléance qu'on adresse au gouvernement. Quand on va dans un dialogue avec une médiation, une facilitation, ça ne se transforme pas aux doléances qu'on va transmettre. C'est une confrontation d'idées afin de ressortir quelque chose pouvant nous aider à stabiliser notre pays. C'est une confrontation d'idées. C'est aider les gens à avancer par rapport aux divergences. Sinon, dire qu'on va déposer des doléances auprès du gouvernement, je ne crois pas que ça doit se faire. Et encore une fois pour moi, la médiation a reçu les défaits de route. Elle a reçu nos préoccupations, nos considérations que nous avons émises par rapport au processus de dialogue. Maintenant, il va donner encore une fois rapport au chef d'État qui l'ont mandaté. Et je dois dire à mon ami ici, Fénias, dire que l'East African Community a échoué, on le saura au moment de la tenue du prochain sommet des chefs d'État, qui va statuer peut-être définitivement sur le problème burundais. Sinon, le facilitateur, il ne fait que donner rapport à ceux qui l'ont mandaté. C'est le sommet des chefs d'État qui l'a mandaté être facilitateur. Le médiateur principal, c'est le président Museveni. C'est le facilitateur, les gens oublient. Il va donner rapport au président Museveni, le médiateur. Il va convoquer au sommet des chefs d'État. Ils vont statuer définitivement sur le cas du Burundi. Si on consacre ce qui a été fait, on le saura. Mais jusqu'à maintenant, je vois que les choses peuvent encore bouger. Le médiateur peut un jour inviter aussi le gouvernement qui confronter les sorts autant, laisser les esprits se calmer, évoluer. Entre temps, je crois qu'on était conciliables ici et là pour échanger sur cette question. Je ne crois pas que ce soit le dernier. Il faut attendre. Fenia Sinigaba, êtes-vous rassuré par le point de vue de Faustin Dikoumana? Est-ce que pensez-vous que l'absence du gouvernement et du parti au pouvoir entrave réellement l'avancée du dialogue? Bon, je voudrais donner quelques précisions. D'abord, le parti au pouvoir, c'est un des acteurs dans la crise burundaise. Donc, il doit être invité comme les autres. Il ne doit pas poser de conditionnalités. Puisque même les autres partis politiques devraient poser des conditionnalités. Mais si on est invité dans une crise politique, vous êtes invité, il ne faut pas poser des conditionnalités, demander l'agenda, demander à l'essai de participer à ça. Nous voyons que c'est pour dire non. Ils ont nié. C'est pour dire qu'ils ne veulent pas de ce dialogue. C'est ça pour nous. Le parti au pouvoir et le gouvernement ne veulent pas. Seulement, on entend dire au niveau de certains discours qu'ils soutiennent le dialogue, mais dans la pratique, on ne voit pas. Heureusement que ce round a déjà démontré qu'ils sont contre le dialogue. Alors, nous, au niveau du Frodebou, l'absence du pouvoir au niveau du dialogue, c'est un élément très important qui montre qui veut le dialogue et qui ne veut pas le dialogue. Alors, si avoir les malheurs dans lesquels le Burundi se trouve est plongé, alors qu'on devrait trouver les solutions là-bas, alors qu'on s'absente, c'est-à-dire que les problèmes vont rester. Le chômage, la pauvreté, les relations diplomatiques qui sont au point mort, ça va perdurer. Alors c'est la population qui sera victime. Alors s'absenter là-bas, c'est pas vraiment pour le parti au pouvoir que ils ont raté l'occasion en or pour aller donner leur avis, puisque ça aurait été mieux d'être là-bas et de dire tout ce qu'ils pensent pour confronter les idées comme monsieur Faustin venait de le dire. Mais ils ont raté l'occasion en or. Il y avait les Nations Unies, il y avait l'Union Européenne, il y avait l'Union Africaine, il y avait la région. C'était le moment fort pour dire tout et voir comment sortir de cette crise. Est-ce que pour le moment, ce dialogue sera bloqué du fait que, justement, le gouvernement et le parti au pouvoir ne sont pas présents ou aujourd'hui ne sont pas prêts à se présenter? Mais ils sont en train de travailler. La société civile a travaillé. Mais le gouvernement, les travaux de ce cinquième round ne l'engagent pas. Et la politique est dynamique. Aujourd'hui, ils peuvent dire ça et demain, ils diraient autre chose. Mais ils sont en train de travailler. Et ils vont produire des documents. Même le facilitateur a dit qu'il va se baser sur ces documents pour faire rapport à celui qui l'a mandaté. Et le médiateur principal, le président ougandais. Et ce dernier va convoquer un sommet des chefs d'État pour donner rapport. Mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ce n'est pas une perte de temps. Ça va contribuer pour avancer, pour trouver des solutions à cette crise. Même si le gouvernement n'est pas là, même si le parti au pouvoir n'est pas là, ils ne sont pas en train de perdre du temps. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec la médiation lorsque le facilitateur affirme qu'il a tout fait pour inviter toutes les parties à se présenter à ce cinquième round? Il a tout fait, avoir les délégations qui sont venues ici à Bujumbura, avoir les contacts qu'ils ont menés, avoir même les envoyés qui sont venus ici au Burundi pour préparer ce cinquième round. Il a tout fait. Nous avons vu vraiment ce qu'il a dit, c'est une réalité. Mais il n'a pas été soutenu par les chefs d'État de la région. Il n'a pas été soutenu. Parce que lui aussi, il a dit ça. Le médiateur principal n'a pas fait, il n'a pas bien organisé ce dialogue. Il a seulement participé dans l'ouverture. Et on venait de faire 4 rounds. Il n'a pas vraiment utilisé ses pouvoirs du président en exercice de l'EAC pour trouver la solution à cette crise politique du Burundi. Vraiment, il faut le dire, il n'a pas vraiment mis beaucoup d'efforts pour trouver solution. Même les chefs d'État de la région n'ont pas soutenu le facilitateur. C'est visible. Lorsque le facilitateur dit qu'il n'a pas été soutenu, c'est qu'il voit que les chefs d'État, ils n'ont pas priorisé, ils n'ont pas mis en avant, ils n'ont pas voulu trouver la solution à la crise. Peut-être que certains ont des intérêts dans cette crise. On se pose la question. Est-ce que vraiment, est-ce que la Tanzanie ne devrait pas s'impliquer, puisque la Tanzanie connaît bien l'accord d'Arusha, l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Si l'accord d'Arusha, s'il y a une négation de cet accord d'Arusha, la Tanzanie devrait s'impliquer. Mais ce que nous voyons, on voit qu'elle ne s'implique pas comme elle devrait le faire. L'Ouganda devrait s'impliquer, le président ougandais, parce que vous voyez, il est en exercice de l'EAC. Il pilote, il préside une organisation régionale. Un des pays de cette organisation a un problème politique et il est le médiateur principal. Mais à voir comment il prend des mesures sur ce problème, nous voyons vraiment qu'il prend des mesures qui ne sont pas fortes, qui ne poussent pas le gouvernement. Est-ce qu'il a droit de prendre des mesures ou c'est juste une consultation par rapport nous avons de l'expérience. Et dégager nous des avons décisions nous avons de l'expérience ici chez nous. Comment est-ce que les autres ont piloté l'accord d'Arusha? Et à un certain moment, on est obligé d'imposer pour voir comment sortir de la crise. Pensez-vous que le moment est venu pour justement imposer? Nous félicitons tout d'abord le facilitateur qui n'a pas cédé aux exigences du pouvoir en place, du pouvoir de Bujumbura. C'est une façon de s'imposer. Et effectivement, il n'a pas voulu céder. Peut-être qu'il soit, peut-être qu'il tombe dans un piège, mais il n'a pas voulu. Et résumant, il a pris les choses en main. Il a dit non, assez. Je prends la mesure. La cinquième session doit avoir lieu. Là, on le félicite. Kefa, si certains vous accusent d'handicaper le processus de négociation à Arusha, quelle est la réponse que vous pourrez donner à ces gens? Et avant de répondre tout droit à cette question, je me réfère un clin d'œil à mon ami Potepa Difrodebou, qu'il sache que les questions burundaises ne seront pas traitées efficacement par la communauté nationale ou l'EAC. Ce sont nous, moi et lui, et nos militants, qui doivent prendre les choses à main. Mais on a échoué. En utilisant toutes les techniques nous pacifiques. Nous avons échoué. Pour pouvoir réussir à implanter la démocratie de façon efficace au Burundi. Pourquoi ça? Cette région que vous parlez, regardez les élections au Kenya, comment elles se sont passées. Regardez les élections comment se passent en Ouganda. Regardez même en Tanzanie la fois passée, même au Rwanda. Je m'interroge souvent, est-ce que cette région a des leçons à donner au Burundi en ce qui est de l'organisation des élections? C'est une question que je me pose. Et quand je retourne un peu en arrière, il faudra d'abord se situer dans la logique de ce dialogue. Ce dialogue a été initié lorsqu'il y avait une crise en 2015 consécutive aux élections qui étaient en cours d'organisation. Malgré ce dialogue, le gouvernement et les partis politiques qui voulaient aller aux élections ont interrompu le dialogue. Ils ont organisé les élections. Maintenant, nous avons des institutions qui sont issues de ces élections malgré le dialogue en cours. Hier, on parlait du dialogue et le gouvernement a initié la constitution. Hélas, que même le Frodebou a participé, nous autres, pour enseigner ce que nos convictions. Et puis le référendum a eu lieu malgré le dialogue en cours. Ce que je veux vous dire, c'est que si on continue à attendre que c'est l'EAC, c'est l'Union européenne, c'est l'ONU qui va nous sauver, en 2020, il peut y avoir des élections alors que le dialogue est en cours. Ça, vraiment, il faut prendre acte. Le malheur des politiciens que nous sommes ici au Burundi, nous ne parvenons pas à distinguer ce que nous voulons et ce que nous avons. Donc, si on aimerait que les choses aillent de ce côté et que les choses aillent de l'autre côté, il faut d'abord se condamner de ce qu'on a pour pouvoir le transformer à ce qu'on veut. Et quand je parle... Pour vous, aller à Arusha, dans un dialogue piloté par la communauté est-africaine, c'est une perte de temps. Attends-moi un peu. Regardez, quand ce dialogue a débuté, on traitait des questions relatives aux élections de 2015. Après les élections au Irie, On a commencé à parler, nous avons un gouvernement illégitime, les droits de l'homme, la constitution, l'accord d'Arusha. Mais maintenant, on a tout oublié. La facilitation arrive maintenant aux élections de 2020. Ça veut dire que maintenant, l'agenda du dialogue n'est plus celui qui a donné lieu à sa naissance. Ça veut dire qu'à un certain moment, moi je constate que même la région a vu que les questions qui ont donné lieu à l'initiation de ce dialogue ont presque été vidées. Et que maintenant, on se connaît de comment mieux organiser les élections de 2020, parce qu'on ne retourne plus en arrière, on ne peut pas accepter qu'on y retourne. Quand je reviens à ce dialogue en cours, moi j'ai l'impression que le facilitateur n'a pas joué bien son rôle. Parce que quand vous êtes facilitateur, il faut utiliser toutes les astuces pour amener tout le monde aux tables du dialogue. Si le gouvernement avait écrit une lettre contenant trois doléances, je ne veux pas parler à la place du gouvernement si cette doléance était fondée ou pas. Mais est-ce que la facilitation devrait répondre le 23, le jour du vol? Pourquoi est-ce que la facilitation n'a pas répondu au moins quelques jours avant ou n'a pas envoyé des émissaires pour échanger avec le gouvernement afin de trouver un terrain d'entente? Et s'il s'agit de déplacer un dialogue qui se fait du 24 au 29, faut-il déplacer, par exemple, au 1er novembre? Et ça, c'est problématique. Deux, si le gouvernement demande de connaître qui sont les invités, je serai avec qui? Est-ce que vous êtes le porte-parole du gouvernement? Je vous ai laissé, M. Fenias. Je vous demanderai de patienter un peu. Alors, je m'interroge. Si le gouvernement avait demandé qu'il faut savoir avec qui nous serons ensemble, pourquoi pas le facilitateur n'a pas... Qu'est-ce qui générait le facilitateur de dire, voilà, vous serez à Arusha et vous serez avec X, Y personnes? Est-ce que ça, y a-t-il un secret? On invite le gouvernement, on invite nous, les partis politiques, on nous cache avec qui nous serons ensemble. Pourquoi ça? À quoi cela... Ça allait gêner la facilitation de montrer avec qui nous serons ensemble à Arusha. Mais Faustin Nkrumah a dit que dans les conclusions du quatrième round, on avait explicitement montré les personnes qui pourront prendre part au cinquième round. Troisièmement, concernant l'agenda, là je pense que à ce qui est de l'agenda du dialogue, c'est vraiment négociable. Chaque parti a le droit de dire moi je veux que cela soit étudié. Mais c'est la facilitation à donner le parole du jour, ce n'est pas interdit qu'un participant, qui qu'il soit, demande qu'un point X, Y soit inscrit. Mais pourquoi, justement, par rapport à l'agenda, pourquoi vous en avez fait une exigence alors que dans d'autres rounds, il s'est posé la question, par exemple, de commencer d'abord par négocier l'agenda après et poursuivre le dialogue? Pourquoi en faire une exigence avant d'y arriver? Ça ne pourrait pas se faire au moment où vous serez déjà sur place. D'abord, pour nous, je vous ai dit que la seule raison qui nous ont poussé à ne pas participer au dialogue, c'est que nous avons constaté qu'on n'avait pas le véritable interlocuteur qui est le gouvernement, tout simplement. D'autres questions, on pouvait discuter, étant là. Mais quand nous n'avons pas le gouvernement qui va mettre en œuvre tout ce qu'on va se convenir là-bas, on estimait que ça ne valait pas la peine. Donc, je disais que la facilitation qui est en charge d'essayer d'approcher les gens qui ne s'entendaient pas, entre guillemets, n'aurait pas dû forcer, inviter de force une partie. Elle aurait utilisé toutes les astuces. Je demande une petite compréhension. Vous dites que le gouvernement a pris connaissance de la réponse de la médiation le 23 et que vous ne pourrez pas y aller sans le gouvernement. Est-ce que, alors que le 23, les gens partaient, vous étiez prêts ou vous n'étiez pas prêts? Je vous ai dit qu'on attendait au moins le premier jour pour qu'on puisse savoir qui sont là, quels sont réellement les points de deux jours pour qu'on puisse participer à notre tour. Mais quand nous avons appris que finalement le gouvernement n'ira pas, nous avons décidé de boycotter complètement ce dialogue parce qu'on n'aura pas d'interrupteur. Alors je disais que la facilitation, parce que qu'on le veuille ou pas, je m'interroge. Il faut savoir que notre pays est membre de l'EAC. Et à l'EAC, on n'est pas représenté par des partis politiques, on est représenté par le gouvernement. Est-ce que ce round qui va passer autant de jours, qui va faire des conclusions, comment est-ce que dans un sommet où le gouvernement sera représenté, on va endosser un document que le gouvernement dit ne pas reconnaître? Moi, j'ai l'impression que, ou bien, la facilitation aurait dû suspendre cette session pour trouver un terrain d'entente à ce qui est de tous ces points-là. ou bien elle aurait dû entrer en contact avant avec la facilité, avec le gouvernement du Burundi, parce que qu'on ne veuille pas. Mais je pense que Fenias nous en témoignera, même pendant le dialogue ou les négociations d'Arusha qui ont été conclues en 2020, le gouvernement a été toujours le partenaire principal, même si c'était un gouvernement putschiste. Je reconnais et j'apprécie même les prestations de la facilitation, mais pour cette fois, je pense que la méthodologie n'a pas été bonne. Et cela n'allait pas gâcher rien si on pouvait chercher de concilier ces résistances. Et il faut savoir que dans tout ce qui est dialogue, il y a des calculs qu'on fait, il y a des jeux qu'on joue pour en tirer au maximum. Si le gouvernement peut-être fait son mieux et que d'autres parties feraient le mieux, il faut que la facilitation sache être au milieu pour concilier les deux parties. Nous, on n'aimerait pas participer dans un dialogue de trop. Nous avons participé dans la première session, dans la deuxième, troisième, quatrième, et nulle part on n'a jamais été ensemble, toutes les parties. Faut-il encore aller dans la cinquième session, dans une cinquième session, où on ne va pas encore se mettre ensemble, tout le monde, échanger, alors que nous irons ensemble dans les élections. Donc nous recommanderons que la facilitation puisse bien organiser une session où toutes les parties puissent se mettre ensemble. C'est notre condition pour participer, sinon on n'a pas de temps à perdre. Voilà, l'émission c'est Mosaïque, et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutons autour du cinquième round de dialogue inter-burundais. Et dans Mosaïque, nous sommes avec trois invités, honorable Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebou, Kefani Bizi, président du parti Sawanya Frodebou, Nyakuri Iragi Gyanadaye et Faustin Dikoumana, représentant légal de Parsem, parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. On avait souhaité être également avec Maître Jean-Marie Nduimana, représentant d'Opisque Burundi, une plateforme des organisations de la société civile, qui ne s'est pas présenté dans cette émission. Faustin Ndikoumana, tantôt le gouvernement et le pouvoir et le parti au pouvoir souhaitent le rapatriement du dialogue inter-burundais. Pensez-vous que c'est une des solutions? D'abord, les conditions qui ont été émises par le gouvernement, si je les analyse, c'était comme si le cinquième round du dialogue inter-burundais était presque le premier. Parce que au niveau du quatrième round, on avait vraiment suffisamment avancé. Je crois que M. Kefa était là. Le gouvernement, les partis politiques qui lui sont proches avaient produit un document. L'opposition avait produit. La facilitation avait fait une synthèse de des documents. Et elle avait déjà donné rapport à la médiation et au sommet des chefs d'État. Le fait qu'on a dégagé les points de divergence en les identifiant comme ceux qui doivent être traités à travers une feuille de route amenant aux élections, aux bonnes élections de 2020, c'est que d'abord, le Burundi est en crise politique. Et l'organisation des élections, c'est l'un des aspects de la crise. C'est même des aspects de la solution à cette crise. Parce que vous avez parlé qu'il n'y a pas de leçon à donner au Burundi et l'Ouganda, la Tanzanie, au niveau de l'organisation des élections. Mais je vois que c'est le Burundi qui a des milliers de réfugiés dans ces pays. Est-ce que vous avez des réfugiés, des milliers de réfugiés de Tanzanie au Burundi, des Ougandais au Burundi, des Rwandais au Burundi? Il faut quand même faire un examen de conscience. Nous sommes en crise politique parce que nous avons des centaines de milliards extérieurs. Il y a une crise politique qui a eu des répercussions au niveau de la sécurité qui a poussé une partie de nos compatriotes à fuir notre pays. C'est l'indicateur d'une crise en fait politique. Si on a dû aller à Arusha dans le passé pour arrondir les angles, pour cimenter notre réconciliation, ce n'était pas parce que les Burundais ne pouvaient pas faire quelque chose de même. Mais on avait fait dans le passé, charte de l'unité, on avait échoué. On s'est dit qu'il faut en profondeur, alors étudier les questions en profondeur, facilitées par une médiation. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de problème que les gens retournent dans le cadre même sous-régional. C'était même bon, dans le cadre sous-régional, les pays voisins, pour aider les voisins justement à recouvrir la stabilité. Et je ne comprends pas alors comment ce dialogue devait prendre en si longtemps. Et encore une fois, si M. Kefa a dit organiser des élections, si on veut organiser les élections, prouver que tous les aspects de la crise ont terminé. Non. Une crise politique a ses conséquences. Une crise politique a des défis conséquents à sa spécificité. Sécurité, pauvreté, droit de l'homme. Maintenant, nous sommes à 18 mois des élections. Est-ce que toutes ces questions pourraient avoir solution? Est-ce que dans 18 mois, on peut avoir directement solution à la pauvreté, à quoi, à la droit de l'homme? Je crois qu'il y aura même des défis qui doivent être trouvés par les institutions issues des élections de 2020. Et même les élections de 2020 pourront continuer à faire un dialogue à l'interne pour vider les questions régulièrement liées à la Constitution. Parce que nous devons dialoguer, nous devons continuer à dialoguer. Mais sinon, aujourd'hui, le fait qu'on dit qu'il faut vider les défis liés aux élections, parce que nous avons, moi je catégorise les défis en deux. Il y a les défis liés au processus électoral pour avoir des institutions fortes, crédibles, acceptées, qui doivent affronter alors les défis. Mais nous avons d'autres catégories de défis. L'économie, la pauvreté, hein, la sécurité, les droits de l'homme, la démorphose de la démocratie. Ça ne pourra pas être vidé dans 18 mois. Nous sommes à 18 mois des élections de 2020. Ça ne pourra pas être vidé. De la nécessité du rapatriement, comme on voudrait alors, à travers cette feuille de route amenant aux élections, c'était une façon de traiter la crise en aspect de doter au pays des institutions crédible et accepté. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des défis liés à l'organisation des élections transparentes qui, somme toute, ouvrent la porte à plusieurs catégories d'axes. Quand on nous a donné l'ordre du jour, si vous parlez au organe des élections, les questions de sécurité reviennent. Comment accéder à ces militants? L'espace politique, finalement, l'observation électorale, les partis politiques, la CENI, campagne électorale, transparence des élections, financement des partis politiques. Il y a beaucoup de défis qui sont liés même à l'organisation des élections. Ces défis, mais pouvoir les lever dans 18 mois. Même 18 mois, c'est peu. Parce qu'il y a eu un problème où, depuis le dialogue, il y a eu atermoiement, ce qui a fait que, justement, maintenant, ils disent, les aspects de la crise des élections doivent trouver solution. Et ces aspects prouve que toutes les questions liées au fonctionnement de la démocratie, liées à la sécurité, liées à l'espace politique, ils reviennent quand vous parlez d'une feuille de route. Une feuille de route, c'est quoi? C'est un processus qui vous mène à l'organisation des élections. Vous devez déblayer le terrain par rapport aux élections 2020. Et ces institutions ici de ces élections seront-ils capables de continuer à vider ces questions liées à la pauvreté ou quoi? Ça, c'est un problème. Parce que le Burundi moyen, ces élections, c'est dans la tête de ces politiciens. Parce que les élections, ils y voient des places. Ils y voient des positions. Influence, enrichissement, illicite, non contrôlé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je dois le dire. C'est ça pour l'homme politique. Les élections, je serai quoi? Je serai ministre. Je pourrais m'enrichir. Au vieux aussi de tout le monde. Dans l'impunité, c'est ça. Mais le Burundi moyen, les élections, il veut des institutions fortes qui le tirent dans l'abîme, dans cette pauvreté. Justement, pour revenir à ma question, comme il y a des questions qui ne peuvent pas se vider à Arusha, finalement, d'un autre côté, vous comprenez la position du gouvernement lorsqu'il milite le rapatriement? Non, l'affaire de route des élections, comme il est à Arusha, elle doit être vidée à Arusha. C'est comme ça. Donc, s'il y a des policiers à l'extérieur, si nous voulons organiser des élections inclusives, non, je ne comprends pas. Des fois, vraiment, le gouvernement, le parti au pouvoir, dit il y a des hommes politiques qui craignent les élections. Pourquoi on n'est pas les approcher finalement, c'est les policiers à l'extérieur? Ils ont une feuille de route. Est-ce que c'est difficile de lire la feuille de route de Kampala? Dire nous convergeons sur ceci, nous divergeons sur ceci. Certains ont fait une feuille de route à Kayanza. C'est un document qui est là. Quand vous parlez même des discussions, non, tous les deux se sont exprimés par rapport aux élections. Quand on a deux feuilles de route, c'est l'expression d'idées, n'est-ce pas? Alors il faut confronter. La médiation va voir le texte de Kayanza, le texte de Kampala, il va faire une synthèse et donner au médiateur. Maintenant, le médiateur ne s'est pas encore prononcé. Quand les Burundais, quand il y a un problème perceptible au niveau de la facilitation, attendez aussi ce que le vrai médiateur va dire par rapport au déroulement de ce quatrième round. Pour moi, ce cinquième round, non, pas dire qu'il est complètement foutu. Non. Ce sont les idées qui s'expriment. La feuille de Kayanza, il est à Arusha. Il n'est pas là. Ce sont les idées de la classe politique à l'intérieur. Il y a une feuille de route de Kampala. Qu'est-ce que vous voulez? Se confronter physiquement comme ça. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Ce sont les idées qui parlent. Alors, on va confronter le rapport qui nous sera donné. Ne pas avancer, tergiverser. Alors que même mon ami Kefa avait dit qu'il est de notre responsabilité de vider ces questions. Dire la facilitation doit me montrer la liste. Est-ce que vraiment... Si vous êtes un gouvernement qui veut la paix pour son pays, se présenter à Arusha, donnez-moi cette liste et nous discutons. Surtout que même la question de la participation avait été vidée au moment du quatrième round. Au niveau de la participation, vous savez, on a passé 2 semaines en groupe d'auto. Le gouvernement n'avait jamais émis aucune susceptibilité par rapport à une éventuelle figure présente là-bas qu'il serait impliqué dans la déstabilisation des institutions de 2015. Et on a passé 2 semaines ensemble. Est-ce que pendant des semaines ensemble, maintenant, le cinquième round, vous dites encore une fois, la liste des participants, c'est la même. C'était une continuité. Mais il faut que notre population commence à ouvrir grandement les yeux. Comment une classe politique, en crise de leadership, égoïsme, est tentée de nous maintenir dans une situation cacophonique qui risque de nous faire arriver dans un abîme. Je ne crois pas, en tout cas. C'est aux citoyens de commencer à ouvrir grandement les yeux pour un jour sanctionner cette classe politique. Venias Nigaba, vous êtes parmi ceux qui sont cités par Faustin Ndikumana en tant que membre de la classe politique. Pensez-vous que vous avez cette volonté d'aider le peuple burundais pour sortir de tous ces problèmes justement que vous avez évoqués au cours de cette émission? Je suis tout à fait d'accord que la seule voie qui pourra aider les Burundais et le pays, le Burundi, à sortir de cette crise politique, c'est le dialogue. Le dialogue aura lieu et le dialogue est en train de se faire. Je vous dis, c'est la seule solution. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. Un pays n'est pas seulement bâti sur des élections. Il y a d'autres dimensions qui sont très importantes. Les élections, c'est pour mettre en place les institutions qui vont gérer. Oui. Mais il y a d'autres paramètres, d'autres dimensions qui sont très importantes pour l'intérêt de la population. Quand on parle seulement des élections ici au Burundi, on met en avant les postes. On oublie. Finalement, qui met en avant les postes? Les politiciens. Les politiciens. Il faut le dire, c'est une vérité. La classe politique burundaise a des problèmes. C'est ce que nous voyons. Imaginez-vous, dans cette crise, pourquoi ne pas faire des concessions pour aider la population à sortir de cette impasse? La population est fatiguée. Elle a besoin d'être sauvée. C'est la classe politique qui devrait faire un pas en avant. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le processus de dialogue qui se trouve à Arusha soit rapatrié? Qu'est-ce qu'on va rapatrier? Normalement, on devrait rapatrier le résultat. Le gouvernement et ses alliés refusent d'aller à Arusha. Qu'est-ce qu'on va rapatrier? On va rapatrier une partie. Normalement, on devrait rapatrier le produit fini. Et puis, pour mettre en œuvre les engagements. Mais jusqu'à maintenant, ces engagements n'ont pas encore eu lieu. Nous attendons. Un jour, il y aura ces engagements. Nous, au niveau du Front Debout, vraiment, nous sommes sûrs et certains que le dialogue aura lieu. C'est comme ça, c'est la seule voie, c'est la seule chose. Même le gouvernement et ses alliés participeront à ce dialogue. C'est la seule voie. Justement, pour qu'on puisse avoir ce résultat, qu'est-ce que vous conseillerez à la médiation pour satisfaire toutes les parties à ce dialogue et produire des résultats bénéfiques pour l'intérêt de la population? À la médiation, on demande à la médiation de ne pas se fatiguer. Il faut continuer d'aller en avant. Même si le facilitateur a déjà dit que c'est le dernier round, nous, au niveau du Front Debout, nous pensons que le dialogue va continuer. Puisqu'il va donner rapport au médiateur, le médiateur va analyser, il va convoquer le sommet des chefs d'État, les chefs d'État vont se prononcer, alors ils vont donner leur avis. Si je pense qu'ils ne veulent pas décider qu'ils vont laisser le Burundi, alors que c'est un des pays de la famille. Les lignes sales se lavent en famille. Même s'il y a des problèmes, on va continuer. La sous-région va continuer à conseiller, surtout à conseiller les protagonistes à se faire violence pour trouver la solution. La médiation, on demande à la médiation de ne pas se fatiguer. Et surtout, le médiateur principal doit prendre des mesures qui s'imposent en tant que président en exercice de l'EAC pour sauver le Burundi de cette impasse. Merci. Kefa Nibizi, vous reconnaissez certaines faiblesses au niveau de la médiation, mais tout de même, vous croyez à ces efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour satisfaire toutes les parties, dont votre école? Merci. J'aimerais d'abord faire une précision, car M. Foster dit que les politiciens cherchent des postes. Il faut savoir une chose. Le niveau de participation dépend de la position qu'on occupe. Il est difficile d'influencer au niveau du Parlement quand il n'est pas au Parlement. Il est difficile d'influencer les décisions du conseil communal quand on n'est pas membre du conseil communal. Il est même difficile d'influencer au niveau du gouvernement quand on n'est pas membre du gouvernement. Quand les politiciens cherchent des postes pour en tirer des profits, ça vraiment c'est mesquin. Et quand je reviens sur votre question, comme l'a dit mon ami honorable Nigawa, il faut que la facilitation, la médiation évite d'être découragé ou de se fatiguer et qu'elle ait le courage de concilier toujours les parties pour qu'un jour on parvienne à s'asseoir ensemble. Et par ailleurs, notre formation politique demanderait à ce que tout d'abord on vide la question de comment les politiciens qui sont à l'extérieur puissent rentrer. S'ils ont des problèmes de sécurité, qu'on garantisse la sécurité, afin que ultérieurement ce dialogue puisse se dérouler au Burundi, étant donné que tous les politiciens seront ici et sécurisés comme ils veulent. Parce qu'on ne va pas vider toutes les questions burundaises à l'étranger. La seule question qu'il faut vider, c'est voir comment cette classe politique extérieure puisse rentrer en toute sécurité. Là, je vois qu'il n'y a aucun inconvénient. Mais il faut être là pour les rassurer. Ça, c'est la sécurité ne sera pas garantie par notre formation politique. Malheureusement, on ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. Donc, nous sommes d'accord qu'on puisse voir comment rassurer toute cette classe politique à l'étranger pour qu'elle regagne le bécail et après qu'on continue le dialogue état ici. Parce que ce sont des questions burundaises qui doivent être traitées par les Burundais. Cela n'empêcherait pas que la facilitation ou la sous-région vienne nous aider, état ici chez nous. Par ailleurs, le dialogue avait commencé ici au Burundi. Vous vous souvenez que le président Museveni s'est déplacé pour mener le dialogue ici même. Pourquoi ne pas continuer dans la même voie? Et comme ça, toute la classe politique participera pleinement, la société civile, les confessions religieuses et tous les faiseurs d'opinion pourraient participer pleinement afin effectivement de l'aider, parce que je vous le dirai, que notre parti politique aussi est fatigué par des élections qui se terminent par des querelles, par des gens qui fuient notre pays. On a besoin que les élections de 2020 soient les plus meilleures que celles de 2010, celles de 2015. Donc il faut d'abord qu'on étudie comment ces partis puissent rentrer et puis on continue à dialoguer ici chez nos Burundi. Faustin Ndikumana, c'est comme si vous avez une certaine colère par rapport à la classe politique aujourd'hui. Comment la médiation pourrait justement inviter cette classe politique pour les responsabiliser face au bien-être du peuple burundais? La médiation fait son travail, elle invite, elle donne l'espace, il appartient à cette classe politique burundais de se sentir responsable. Quand c'est une classe politique qui veut puisse régner, qui gouverner pour affronter les défis de ses citoyens, ça devient un problème. Donc il faut être de dire ce qui devait même être discuté. Dans la feuille de route, il parle déjà de la sécurité des hommes politiques. Il fallait aller discuter sur cette sécurité. Déjà, tu parles des idées, mais tu les exprimes ici à Isangani. Alors, au lieu d'aller contribuer, de montrer comment sécuriser. Il fallait que cette session soit régulièrement organisée pour qu'on puisse s'exprimer. En fait, je montre ça comment. Ça n'a pas été régulièrement même organisé. Mes idées sont là. Comment sécuriser un politique de l'extérieur pour qu'il puisse venir participer aux élections. Comment garantir le respect de l'espace politique à travers le dialogue. Pour le rassurer, justement. Oui, oui. Si le gouvernement était là, disait non, il faut que vous rentriez vraiment, on va vous sécuriser comme voilà. Ça. Vous avez quel problème? C'était pour les rassurer. Voilà. On va vous garantir cette sécurité. C'est ça. Comment le gouvernement devait se comporter? Moi, ce qui me gêne même, c'est que vraiment, la médiation, la sous-région avait essayé depuis d'être indulgente par rapport aux exercices du gouvernement. Imaginez. Même l'aspect de la constitution, c'était le problème de référendum constitutionnel. Dans le document de synthèse, parmi les éléments de divergence, figurait même l'amendement de la constitution. Mais le gouvernement a fait cavaler, c'est à organiser le référendum. Imaginez-vous même, cette classe politique s'est déplacée malgré ses avancées unilatérales. Le gouvernement a déjà mis en place une CENI, une feuille de route. Mais les gens, quand même, accepte de venir. C'est ça la bonne foi. Il faut vraiment que le gouvernement aussi, il faut gucha bugufi. Ubanda nije naho cyane. Il faut gucha bugufi ko barabaye. On a été indulgent. Et il faut encore une fois pour ce que je dois dire au conseil au gouvernement, comment ne pas ni ne peut ni mieux qu'aujourd'hui, le gouvernement était en position de force par rapport à ce dialogue. Il exigeait, on acceptait la médiation, acceptait participation, enlevée. Et pour tu sais quoi, la médiation essaie de faire, de trier avec pincette, avec soin les participants. Je ne comprends pas comment le gouvernement veut en aider. C'était une occasion d'aller rassurer, afficher cette volonté de vouloir inclure les autres. Parce que c'est le gouvernement qui doit jouer au leadership. Mais après tout ça, que doit faire la médiation? La médiation, qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, dans ces histoires, ce n'est pas parce que tout ce que tu es permis de faire que tu dois toujours le faire. Il faut en évaluer les conséquences. Quelles sont les conséquences? C'est ça. Sinon, on a la latitude de prendre une décision comme on. Le gouvernement peut dire aujourd'hui, je continue, j'organise les élections comme je veux. Je les finance comme je veux. Est-ce que les conséquences, on les évalue? Les conséquences des mesures que tu prends. Quelque part, il y a un philosophe qui a dit que le premier ennemi d'un homme, c'est lui-même. Quand vous dites qu'est-ce qui va se passer, je vais un peu regarder les conséquences. Est-ce que les élections, les institutions qui seront ici de ces élections unilatérales, est-ce que la crise, comment est-ce qu'on va gérer les rapports diplomatiques avec la sous-région? Parce que quelquefois quand même, une sous-région qui a vraiment essayé d'être proche du Burundi, de nous aider. Il faut quand même aussi respecter des fois ce qu'elle nous propose. Je crois bien que à ce niveau, le gouvernement vraiment devait aussi faire l'examen de conscience, faire son introspection pour participer dans un projet, je ne crois pas, dans un autre dernier round peut-être, pour harmoniser ces défaits de route. Mmh. Au moins, harmoniser les défaits de route qui sont là, garantir cette sécurité. Malheureusement, Kefa ne s'est pas rendu à Arusha pour proposer des idées, de bonnes idées pour sécuriser ses collègues qui ont fui à l'extérieur. Les autres sont venus, sont sécurisés. Voilà, l'émission, c'était Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous étions en train de débattre de l'issue du cinquième round et du dialogue inter-burundais. Dans cette émission, nous étions avec Honorable Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sawanya Frodebou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Waku qui vous remercie, mais ce cinquième round a bel et bien montré la vraie image de la classe politique burundaise. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. Maintenant, les partis qui sont là, ce sont les partis de la mouvance, et les partis qui sont à l'extérieur, ce sont les partis de l'opposition. Je vous remercie. Merci. Nous disons également merci à Kefa Nivizi, président du parti, Sawanya Frodebou, Nyakuri, Iragi, Gandadaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, et je dirais que ce cinquième round, pour nous, c'est un non-lieu. Je pense que la classification des partis politiques de l'opposition de la mouvance, ça relève de la loi et non de la définition d'un autre politicien. Nous disons également merci à Faustin Dikoumana, représentant légal de PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie tout en rappelant que nous ne cesserons pas, de jouer notre rôle de vigilance citoyenne, de crier haut et fort face à une crise, à une classe politique, à une crise de leadership et à l'âme. On avait souhaité être également avec Maître Jean-Marie Nduimana qui représente Peace Burundi, une plateforme des organisations de la société civile au Burundi. Il n'a pas répondu à notre invitation. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, c'était Jérôme Nyonzima, François Akimana assurait la mise en onde. Pacifique Chubahiro animait Mosaïque d'aujourd'hui. À vous tous, à l'écoute des émissions de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de poursuivre l'écoute. Mosaïque.